Moi, ce qui m'intéresse, mais peut-être que vous faites au sein du RMF, oui. ou je ne sais pas. Enfin, au sein du RMF. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Un saint fidèle comme plusieurs fidèles. Comme dans la mosquée du 15e, on peut vous voir régulièrement. Peut-être que vous avez participé à certaines choses, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de vous dire une chose, c'est que vous allez, dans ce contexte-là, vous opposer clairement à la communauté musulmane. Pas forcément. Particulièrement à la jeunesse, croyez-moi. C'est vous qui voulez dire. Non, mais peut-être. Lorsque je me déplace dans les régions et qu'on résout des problèmes de construction du lieu. Avec qui vous parlez, monsieur Moussaoui? Avec les représentants des associations qui tiennent les mosquées? Non, avec les musulmans, avec les musulmans dans les mosquées. Avec des gens comme monsieur Chelroumi? Non, pas avec les gens qui signent. Non, pas avec monsieur Chelroumi, avec les musulmans dans les mosquées. Avec les fidèles. Et vous pensez que les fidèles, en général, ont une bonne opinion? Mais le CFCM est ignoré et le CFCM ignore les musulmans, monsieur Moussaoui. Vous voulez dire qu'on ignore les musulmans. Notre quotidien, notre quotidien, je voulais dire, mon quotidien à moi, c'est des chaque jour de réunion à travers. Je ne dis pas que vous n'avez pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que depuis que le CFCM existe, mais toutes les problématiques ont été posées, elles n'ont pas été réglées. La confusion. Que ce soit les carrés, le halal. Oui. Mais ça fait combien de temps ça fait? Bon, déjà, on sait par qui il a été installé, mais ça, c'est encore autre chose. Pour les mosquées, qu'est-ce que vous pouvez dire de mosquées depuis la création du CFCM? Il y a beaucoup de mosquées qui ont été créées, mais monsieur Moussaoui, les mosquées, elles n'ont pas attendu le CFCM, ou les fidèles, peut-être que vous avez facilité le rouage. Tout à fait, ça c'est important. Vous me dites, j'ai posé un caillou pour faire une montagne, mais je vous dis, barakallahu fik, pour ce caillou, monsieur Moussaoui. C'est pas un caillou, construire 1000 mosquées. Mais à quoi ça nous sert si dans ces mosquées-là, on a des chalboumi? Ah, bah, ça vous sert monsieur Moussaoui. Ça vous sert pas, vous avez une autre. Chalboumi, des messieurs comme Chalboumi. Mais parce qu'on a été le voir, il n'y a pas que Chalboumi. Quand je vois qu'il y a 15 imams, dont certains affiliés au CFCM, qui font un appel pour Gilad Shalit, très bien. Personne parle de Salamoué. Je vous dis simplement, vous n'avez pas choisi le camp des musulmans selon notre point de vue. Et à mon humble avis, je viens de le préciser, et à mon humble avis, depuis les quelques années qu'on milite, Wallahu A'lam, pour la majorité de la communauté musulmane et particulièrement les jeunes, il y a un appétit et ce qui est sûr, c'est que la situation, bref, pour regarder beaucoup de choses, ça va se dégrader, ça va se tendre. Tout à l'heure, je vous parlais de milice. Malheureusement, c'est pas comme ça que vous allez. On vous a jamais entendu, M. Moussaoui, en tant que représentant au RMF ou ailleurs au CFCM. Il y a des milices qui tapent des sœurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des frères qui se bougent pour aller assurer la sécurité dans les manifestations. Mais vous savez le nombre de fois où c'est arrivé, ça? Comment le président du CFCM ne peut pas prendre position quand on parle de faut pas importer le conflit? Les milices, elles tournent à Paris gratuitement et elles agressent des gens armés. Vous comprenez ça, M. Moussaoui? Oui, je comprends. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, le représentant de la communauté musulmane, je vous dis, on le connaît, nous, personnellement, il y a le père de deux jeunes filles qui ne sont pas encore agressées. Qu'est-ce qu'on fait, M. Moussaoui? On essaie de discuter avec les autorités de la communauté musulmane? Non, excusez-moi, ça ne les intéresse pas. Donc on va aller s'organiser nous-mêmes. Et vous allez arriver à une situation, c'est qu'il y aura des intellectuels qui tiennent les mosquées, il y aura une population derrière qui n'est pas contente. Si on parlait des révolutions arabes, j'espère qu'on a le même avis. Je ne connais pas vos liens avec le Maroc et ça ne m'intéresse pas. Je vous dis simplement que j'espère qu'on a le même avis et qu'il est préférable que ces pays-là se libèrent. On est d'accord, M. Moussaoui? La liberté est toujours bonne partout. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ces peuples-là sont opprimés, M. Moussaoui. Oui, il y a des choses qui sont... D'accord, je vous ai déjà parlé de là-dessus. Bon, tout ça pour vous dire... Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? La seule chose que je veux vous dire, c'est que je ne comprends pas, par exemple, que le président... Mais attendez. Par contre, le président la façon dont les choses se déroulent, la façon dont le président... On peut avoir des discussions. Moi, je trouve ça bizarre que le président du CFCM ne prenne pas position parce que Ben Ali, il s'est réfugié chez les Saouds. Pas question, on a jamais bon, fait. Bref, vous n'avez pas pris position sur les révolutions arabes. J'ai pas entendu une réaction du CFCM sur les révolutions arabes. Encore une fois, je vous le précise. Le CFCM, c'est une institution qui gère les affaires culturelles. Je prétends pas faire plus que ça. Ça n'a pas de rapport. Les révolutions arabes n'ont pas de rapport avec le. Ça n'a pas de rapport avec ma mission, oui. En tant que citoyen, je peux faire ce que je veux. Mais en tant que président d'une institution qui a pour mission strictement de gérer les affaires culturelles, je n'ai pas intérêt à aller dans ce terrain-là. Parce qu'à un moment donné, si je dois le faire pour les Tunisiens, pourquoi je ne le ferais pas pour la Côte d'Ivoire? Vous devriez prendre position. Vous m'avez posé la question que pour la Tunisie. La Côte d'Ivoire, c'était avant. Pourquoi l'Église catholique ne prendrait pas la même position? Vous êtes le représentant de la communauté musulmane. Vous êtes en priorité à traiter les affaires de la communauté musulmane. Si après vous prenez position sur d'autres questions, si vous voulez aider les Japonais après le... C'est là où vous faites l'erreur. Vous dites que le peuple tunisien, c'est un peuple qui est, on va dire, c'est des gens qui étaient contre l'islam. C'est pas comme ça. Non, mais. Bon, vous n'avez vraiment pas compris ce que j'ai non, dit. Non, non, je vous dis simplement, c'est des peuples qui sont opprimés, qui sont en Tunisie. Moi, je suis algérien. Oui. C'est en Algérie, c'est au Maroc. Oui, mais c'est pas. C'est, j'essaie de vous expliquer que, en tant qu'institution religieuse, si on devait s'exprimer sur tous les conflits internationaux, sur. Qui concernent les musulmans. Non, pas. Pourquoi que les musulmans. En priori. Pourquoi que les musulmans. Parce que vous êtes musulman. Parce que la priorité revient aux musulmans. Non, mais l'institution religieuse. Vous n'êtes pas censé représenter les orthodoxes de Russie. Bon, peut-être qu'ils ont des problèmes en Russie. Mais ça ne vous concerne pas, vous. Oui, mais l'institution religieuse que je suis. Ouais. Je ne défends pas le. On va dire un problème qui est lié à la liberté. La liberté des peuples. C'est pas que l'islam, ça. Il faut bien que ce soit clair dans votre esprit. Je pense que ce n'est pas clair dans le vôtre. La situation dans laquelle. Je m'identifie pas comme musulman du monde. En priorité. Hein. Après que vous vous intéressez à d'autres choses, c'est normal. Oui, bien sûr. En priorité. Ma mission en tant que président du CFSM, c'est d'abord de régler les problèmes liés au culte. C'est ma seule mission. Il faut que je la fasse comme il faut. Bon. Quand 15 imams appellent à la libération de Gilad Shalit, ça ne vous ennuie pas que personne parle de Salah Mouri ? Ils n'avaient pas à le faire. Ils n'avaient pas à le faire, c'est pas leur affaire. Mais subhanallah, pourquoi est-ce que le CFSM ne prend même pas position pour dire ça ? Mais ça ne vous concerne pas, messieurs ? Ça vous concerne pas. On leur a dit. Et si vous vouliez faire ça, il fallait le faire de l'autre côté. On leur a dit que ça ne les concernait pas. On leur a dit que ça ne les concernait pas. On vous parle de position publique, officielle. On vous parle pas. Moi, peut-être que vous dites des choses très bien à votre secrétaire général ou à l'imam de telle mosquée. Mais peut-être, je ne sais pas, moi. Moi, je vois ce que vous faites en tant que citoyen musulman, comme vous dites. Ce qu'il faut retenir dans cette discussion, c'est qu'effectivement, cette confusion, c'est que vous n'êtes pas le seul à la fois. Nous sommes une institution dont notre objectif, c'est de gérer un certain dossier. Déjà, le temps que prend ces dossiers-là, c'est une institution très légère. On a un président et un secrétaire qui sont de façon permanente. Je suis enseignant-chercheur. Je ne suis pas détaché, détaché à toute la semaine. J'ai par ailleurs d'autres activités. Je ne reçois pas de salaire de cash. Faites ça, vous aurez la hasanat d'un autre salaire. Alhamdulillah, je le fais en tant que bénévole. Mm-hmm. Et je vis de mon propre travail. Alhamdulillah, comme nous. Ça vous ennuie pas? Mais les musulmans, ils n'ont même pas un organisme représentatif qui puisse avoir. Oui, ça vous ennuie pas, vous aussi? Qu'est-ce que vous faites pour que ce On essaye de démonter le CFSM. Vous êtes en train de dénigrer une qui existe au lieu de renforcer. On ne va pas renforcer quelque chose qui n'agit pas. On ne construira jamais. Il agit. C'est là où il faut faire. Je suis en train de vous dire qu'il agit, peut-être modestement, qu'il n'a pas les moyens d'agir, il n'est pas à la hauteur. Je vous le concède, je vous le dis, j'en suis convaincu également, qu'on ne soit pas encore à la hauteur. Mais c'est une construction qui commence. Et jamais une chose a été construite dans ce pays. On est d'accord, monsieur Moussaoui. C'est là où vous êtes instrumentalisé pour casser ce qui existe. Et puis après, nous. Je ne sais pas par qui, en tout cas. Qu'on n'a rien. Je suis pas assez intelligent pour comprendre par qui, alors. Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, vous ne servez pas l'islam de France de cette manière. Moi, je suis à l'islam. C'est ça qui m'intéresse. Et croyez-moi, je vais vous laisser partir. Parce que je vois que vous êtes pressé. Je m'excuse. C'est pas ce que je veux. Croyez-moi que beaucoup de gens ont été choqués de voir un monsieur comme Boubacar en président. Croyez-moi. Ça, c'est possible. Je vous laisse. Et Inch'Allah, je vous appellerai. Je vous donnerai mon prénom. Je ne peux pas vous dire le contraire puisqu'elle a été discutée au sein du CA. Ça n'a pas été une décision. On peut venir. On est dans le protocole. Et je serais vous, je serais pas. Je préférerais délaisser cette institution qui met comme président d'honneur. Ça, c'est votre. Qui met comme président d'honneur cette personne-là. On va même pas parler de ce genre de cas. Bref. Mais non, c'est pas rien. C'est la fédération. C'est pas être un POD à d'autres. Qu'est-ce que ça fait après le fait qu'il soit président d'honneur? Qu'est-ce que ça fait après, en réalité? C'est symbolique. Sinon, vous ne l'auriez pas nommé président d'honneur. Oui, mais c'est pour lui. C'est-à-dire que cette personne-là, aujourd'hui, lorsqu'il y a une problématique liée à l'islam, Abou Sufyan est venu à la Mecque. Vous connaissez l'histoire d'Abou Sufyan? Oui. Lorsque le prophète Mohammed est rentré à la Mecque, Abou Sufyan, qu'est-ce qu'il leur a dit à Abou Sufyan? Qui était l'ennemi juré de l'ennemi musulman. Le pire. Il leur a dit, Mendakhala, Dara Abou Sufyan, Fawa Amin. Il leur a dit, celui qui rentre dans la maison d'Abou Sufyan, il est en sécurité. Il l'a honoré. Quelque sorte. Est-ce que vous pensez que le prophète Mohammed a fait une erreur en faisant cela? Sûrement pas. Je suis persuadé que vous en faites une erreur. Méditez cet exemple-là. Je vais méditer et Inch'Allah, je vous dis, on reviendra probablement vers vous, M. Moussaoui. Inch'Allah. Il est très pressé, mais. Merci. Franchement, c'est des mecs. C'est des mecs limités. Hein. Non, c'est pas ça. C'est des mecs limités. Non, intellectuellement, il est pas limité. C'est des gens qui sont. Il y a un truc. Ouais. Il voit. T'as vu, il voit pas les choses de la même manière. Enfin, et même, t'as vu ce double discours où il fait attention à ce qu'il dit selon. Je sais pas. Ça paraît clair ce que tu lui as dit. Tu parles sur les 15 imams qui, par rapport à l'anonymie ou sur. Ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, ils vont provoquer dans la communauté musulmane l'éclatement. C'est-à-dire qu'ils vont tellement monter en pression, c'est ça. À la fin, ils vont se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Ils vont commencer à créer des groupes, expliquer. Etc. C'est ce que فنحن لا نحتاج إلى صواريخ عابرة للقارات ولا بعيدة المدى، فقواعدهم قريبة علينا ونضربها في كل وقت. ونقول لأعداء الله: سوف تدق صواريخنا بإذن الله تعالى معاقلكم وتزلزل أركانكم.